préjugés qui se cachent derrière. Je sais que vous existez, et pourtant je sais dans le fond que nous sommes humains. Préjugés d'écrire les pensées, préjugés sur ce qui existe. N'en est-il pas toujours ainsi, pour que le son voit non libre parfois de ne pas pouvoir s'exprimer. Souvent les mots n'ont plus de sens, ils s'en vont sur un mauvais chemin. J'ai beau le voir, je n'y peux rien. C'est comme si le bateau ne pouvait plus avancer. Vive le Liban, vive l'Indochine, liberté. J'écris ton nom aussi, faut-il se libérer. Libération comme un nom de code, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il faut se battre, pour qui, pourquoi, parfois, je ne sais plus. Tel un oiseau migrateur, un pigeon voyageur qui s'en va vers les terres lointaines. Ah, ah, ah, parfois en une seconde, en une minute, telle la cocotte, tout explose, explosion volcanique. Qui se filme, tu es si beau à voir que ta vue m'éverveille. De tes couleurs qui surgissent de la terre me disent que tout est vivant. Ha, ha, ha, en une minute, en une seconde, tout bascule et tout repart afin de mieux se mouvoir. Tel un volte-face, face à la mort, il y a la vie, face à la vie, il y a la mort. Ha, ha, ha, souvent en une minute, en une seconde, tout bascule, tout s'en va. Comme dans un va-et-vient quotidien, tel un bateau dans la vague, vague à l'âme. Toi qui te tannes souvent, tu te montres maintenant comme un feu follet dans la nuit, belle nuit, dans la nuit qui te part. Ses étoiles dit que tout repart et tout s'en va. À chaque fois, sans que pour cela, cela se voit. Ah, ah, ah. Parfois, en une seconde, en une minute, tout va, tout repart et du noir. Tout s'éclaire comme dans un jeu de miroir. Face à la vie, il y a la mort. Face à la mort, il y a la vie. Ah, ah. Oh, au revoir, je pars. Mon train m'attend sur le quai de la gare. Au revoir, je pars. Juste un au revoir, histoire de dire qu'il faut s'éloigner le temps d'un instant, le temps d'un printemps. Préjugé dans l'action, préjugé qui se cache derrière, n'en est-il pas toujours ainsi, pour qui l'on va, pour qui l'on vient. La guitare n'est pas un fusil, liberté. J'écris ton nom sur le tableau noir avec ma clé blanche sur le mur du lycée. Ma guitare n'est pas un fusil, liberté. J'écris ton nom sur le table noir avec ma craie blanche sur le mur du lycée.